L'emplacement à droite a été créé pour permettre de faire dégager les véhicules qui ont soit un problème mécanique, soit un événement grave à l'intérieur du véhicule. Un voyant d'huile qui s'allume indique que le moteur est mal lubrifié. Il risque donc de casser sous peu, surtout à haute vitesse. D'ailleurs, ce voyant est rouge. Il impose un arrêt d'urgence. En revanche, quand le voyant de carburant s'allume, il indique que l'on passe sur la réserve, mais celle-ci permet de faire plusieurs dizaines de kilomètres, donc d'atteindre la prochaine station-service sans problème. D'ailleurs, ce voyant n'est pas rouge. Il n'impose pas l'arrêt. Quant aux événements graves à l'intérieur de la voiture, un malaise du conducteur, un passager malade, une guêpe dans l'habitacle, ils autorisent évidemment un arrêt sur ce type d'emplacement. Mais le téléphone ne sera jamais une urgence, même si le message peut être important. Réponse C.